One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته frères et sœurs en islam. On continue toujours avec le tafsir, les grands tafsirs, et avec l'exégèse de sourate An-Najm, la sourate de l'étoile, qui est bien sûr la sourate numéro 53. Et aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, on continue à partir de la ayah numéro 18. Donc si on se rappelle bien, dans les ayats avant ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité Al-Mi'raj, lorsque le prophète alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé vers les cieux. Et aussi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu l'ange Jibril alayhi salam. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril alayhi salam sous sa forme réelle deux fois, comme les ulama de tafsir ils expliquent. Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous explique dans sourate An-Najm au début que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de son cœur, de son hawa, de ses passions, que ce n'est qu'une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça les paroles, les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici à la ayah numéro 18, Allah azza wa jal, il dit « لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى » لَقَدْ, ça réfère à la certitude. C'est lorsque tu veux mettre de l'emphase et insister sur la véracité de quelque chose. Tu dis laqad. Ra'a, il a vu qui il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min ayati rabbihi al-kubra. Des ayats de son Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, des plus grandes. Donc bien sûr, les ayats, c'est le pluriel de ayat. C'est quoi ayat? Ayat, c'est un signe. Le mot ayat dans la langue arabe réfère à un signe. C'est pour ça qu'on a les ayats matlouwa, récité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on peut entendre comme les ayats du Coran. Et on a aussi les ayats qu'on peut voir, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jal, il dit « Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq » Tout ce que Allah azza wa jal, il a créé, c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullah. Les cieux, la terre, la création de l'être humain, le corps humain, tout ça c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des ayats d'Allah azza wa jalla. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit même que الشمس والقمر آيتين من آيات الله عز وجل. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم, le jour où il y avait l'éclipse, c'est ça ce qu'il a dit à ses compagnons, que le soleil ainsi que la lune, c'est parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ayats. Donc il faut pas faire ici l'erreur de penser que « ayah », ça veut dire seulement « verset ». On traduit ça « ayah », c'est un verset habituellement en français lorsqu'on parle du Coran. On dit le verset 53, la « ayah 53 ». Mais le mot « ayah » est plus large dans la langue arabe et même dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le Coran. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu parmi les grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala « لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ». On a le même message qui est dans sourate Al-Isra. Sourate Al-Isra, c'est la sourate qui nous parle du Isra, du voyage nocturne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sourate 16 ou 18, je me rappelle. Isra. Bref, dans sourate Al-Isra, la première ayah dans sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina » Que Allah azza wa jal asra bi'abdihi. Il a donné ce voyage nocturne à son serviteur, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « min al-masjid al-haram » du masjid haram, qui est le masjid de la Mecque, de Mecca, jusqu'à Masjid al-Aqsa à Jérusalem. Et Allah Ta'ala, il dit « Alladhi barakna hawlahu » Le masjid de Jérusalem, de l'Aqsa, c'est le masjid que Allah Ta'ala, il a mis la baraka, la bénédiction autour de ce masjid. Dans toute cette région-là, « Linuriyahu min ayatina » afin qu'on lui montre de nos ayats, de nos signes. Donc on a le même message dans sourate al-Isra, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait son Lorsque Allah Azza wa Jalla lui a accordé ce voyage nocturne, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a montré de ses signes à lui, des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça parle de quels signes exactement? De un, ça parle au pluriel, c'est des signes, min ayatina. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, n'a pas vu tous les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vu des signes d'Allah Azza wa Jalla parmi min ayatina. Alors, l'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, grand savant bien sûr de tafsir, il dit que al-mufassirin thalathatu aqwal. Il y a trois avis principaux ici des savants de tafsir. Ahaduha annahu ra'a rafrafan akhdara min al-jannah qad sadda al-ufuq, qalahu Ibn Mas'ud. Première opinion de certains savants, comme bien sûr le compagnon Abdullah Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu de la verdure du paradis, comme ça à l'horizon. Lorsque, encore une fois, ça c'était pas sur terre, on se rappelle. Ça c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au plus haut des cieux. Première opinion, c'est quoi les signes d'Allah Azza wa Jal qu'il a vu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Il a vu de la verdure et de la beauté du paradis, de Al-Jannah que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a montré. Deuxième, الثاني أنه رأى جبريل في صورته التي يكون عليها في السماوات. قاله ابن زيد. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril alayhi salam sous sa forme que Allah ta'ala il lui a accordé sa forme dans les cieux. Donc là ça voudrait dire que Jibril alayhi salam, quand il est auprès d'Allah azza wa jalla dans les cieux, il a une autre forme encore plus merveilleuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu sous cette forme-là lorsqu'il était lors de cette nuit-là de al-Mi'raj. Numéro 3, annahu ra'a min a'lami rabbih wa adillatihi al-a'lam wal adillata al-kubra. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, troisième opinion qui est plus générale, il a vu des signes de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des signes de des preuves de la grandeur d'Allah azza wa jalla, beaucoup de choses. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné ici de façon vague, abhama. لَقَدْ رَأَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ. C'est au pluriel et c'est plusieurs signes. On n'a pas nécessairement, on ne connaît pas nécessairement quels sont tous ces signes que le prophète, alayhi salatu salam, il a pu voir. Et ici, l'imam al-Qasimi, il dit, يَعْنِ الْمَلَكَ الَّذِي عَيَنَهُ وَأَخْبَرَهُ بِرِسَالَتِهِ وَفِيهِ غَايَةُ التَّفْخِيمِ لِمَقَامِهِ وَأَنَّهُ مِنَ الْآيَاتِ الْكُبَرِ. Al-Qasimi ici qui adopte l'opinion que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu c'était Jibril alayhi salam. Qu'est-ce que cela implique? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Si on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici les signes d'Allah ta'ala il a vu Jibril alayhi salam, qu'est-ce que cela implique? Ça implique que Jibril alayhi salam, ça nous parle de sa grandeur. Pourquoi Allah ta'ala il dit min ayati rabbihi al-kubra, les grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça parle de qui? Ça parle de Jibril alayhi salam. Donc ici, Jibril alayhi salam est l'un des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une créature qui est très très grande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min azamatihi. Wa qala ibn Taymiyyah li anna, écoutez ça, c'est très intéressant, li anna ru'yat Jibril hiya min tamam nubuwwatihi wa mimma yubayyin anna alladhi ataahu bil Qur'an malakun la shaytan. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ait pu voir Jibril alayhi salam au plus haut des cieux sous sa forme réelle, ça confirme au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce qu'il était en contact avec l'ange d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un shaytan. Parce qu'un shaytan pourrait venir à quelqu'un sous une forme quoi? Sous une belle forme et dire moi je suis un ange par exemple, essayer de tromper la personne, essayer d'avoir, de mentir à la personne. Non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril alayhi salam sous une forme que il n'y a pas de shaytan qui peut prendre une telle forme. C'est une forme qui est tellement... Et il a vu aussi le prophète alayhi salam, il a vu Jibril où? Au plus haut des cieux. Shaytan ne peut pas être au plus haut des cieux. وقيل المراد ما رأى ليلة الإسراء من الآيات العظام وعجائب الملكوت مما لا يحيط به الوصف في السماوات والجنة من السماوات والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك. Donc là, l'opinion encore plus large que tout cela, adoptée par plusieurs savants comme Nasafi, Shawkani, Ibn Juzay, Sa'di, ils disent que ici les signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu, c'est des signes d'une grande diversité. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans le Mi'raj, il a vu le paradis, le Jannah. Il a vu l'enfer, le Nar. Il a vu aussi les malaïkas, les anges. Il a vu les prophètes, l'anbiya alayhimus salam. Tout ça c'est confirmé bien sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les prophètes et qu'il a vu les anbiya. Ça c'est dans le long hadith de l'Isra et de l'Mi'raj. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré les différents prophètes. Rappelez-vous la ayah juste avant. C'était quoi là? Ayah numéro 17. Oui, ayah numéro 17. Lorsque Allah Azza wa Jalla il dit ma zagha al-basar wa ma tagha. Vous rappelez de ça? On a parlé de ça lors de la dernière séance. Lorsque Allah Azza wa Jalla parle de la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que sa vue à lui, son regard et sa vue ma zagha wa ma tagha. Ça n'a pas dévié et ça n'a pas dépassé les limites. Donc il nous dit ici فَإِنَّ وَهَذَا أَيْ أَكْمَلْ مَا يَكُونْ مِنَ الْأَدَبِ الْعَظِيمِ الَّذِي فَاقَ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَإِنَّ الْإِخْلَالَ يَكُونُ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ إِمَّا أَلَّا يَقُومَ الْعَبْدُ بِمَا أُمِرَ بِهِ أَوْ يَقُومَ بِهِ عَلَى وَجْهِ التَّفْرِيطِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الْإِفْرَاطِ. Donc là encore une fois ça nous parle de l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parce que habituellement lorsqu'un serviteur d'Allah azza wa jalla reçoit un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est soit qu'il ne va pas obéir à cet ordre d'Allah Azza wa Jalla. Il y a des gens qui sont désobéissants, mais il y a aussi des gens qui vont obéir à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla et dépasser ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala il leur demande de faire. Ça on appelle ça al-ghulu. Dépasser l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, c'est aussi grave que de ne pas obéir à l'ordre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Allah Azza wa Jalla il nous dit de faire salat al-isha 4 raka'ah et que quelqu'un va dire moi je vais la faire 5 raka'ah, ça c'est aussi grave que celui qui ne fait pas salat al-isha. C'est la même chose. Il y a quelqu'un qui désobéit à Allah Azza wa Jalla en ne faisant pas ses obligations, n'obéit pas à Allah Azza wa Jalla, et il y a celui qui désobéit à Allah Subhanahu wa Ta'ala en dépassant l'ordre, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ma zagha al-basar » Allah ta'ala lui a demandé de regarder droit. Voilà les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas désobéi en regardant ailleurs, à droite ou à gauche. « Ma zagha » n'a pas dévié, alayhi salatu wassalam. Mais aussi, « Ma tagha » il n'a pas dépassé ce que Allah azza wa jalla il lui a permis de voir. Il n'a pas cherché à voir ailleurs, alayhi salatu wa salam. Et encore une fois, ça c'est une démonstration des akhlaq du prophète, alayhi salatu wa salam, même dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi les ulama, ils disent, rappelons ici qu'on est en train de, on se base sur cette encyclopédie du tafsir, et de ce fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations très intéressantes de plusieurs savants de l'islam. Et l'idée ici, c'est encore une fois de voir un peu, de constater un peu la grandeur de l'Al-Qur'an et la précision de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. لَقَدْ رَأَ مِنْ آيَاتِهِ الْكُبْرَى. Lorsque Allah Azza wa Jal, il dit que les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala ici, comment ils sont décrits, les ayats sont كُبْرَى, des plus grands. Donc qu'est-ce qu'il dit ici l'un des savants? إِشَارَةٌ إِلَّا أَنَّ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِمَّا كَبِيرَةٌ وَإِمَّا كُبْرَى عُظْمَى. لأن كبرى اسم تفضيل ولا يقال إن من آيات الله ما هو صغير. Il dit ici que dans ça il y a une implication qu'il n'y a pas parmi les signes d'Allah Azza wa Jalla des petits signes d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il y a soit des grands signes ou les plus grands des grands signes. Pourquoi? Parce que ici le mot qui est utilisé dans cette ayah, al-kubra, c'est ismu tafdil, c'est les plus grands. Ça veut dire que tous les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des grands signes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, des plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on peut voir certains grands signes d'Allah azza wa jalla, vrai ou faux? Comme quoi? Le soleil. La nature, les animaux, les montagnes. Tout ça, c'est des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas des petits signes d'Allah azza wa jalla. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu les grands signes d'Allah. Il a vu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, des plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire plus grand que ce qui est grand. Wadih? Taïb. Après ça, ayah numéro 19. Là, on entre dans un autre thème. C'est pas un thème complètement différent, mais là, c'est comme si la tournure des ayat, elle change. Avant ça, ça parlait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, précisément, spécifiquement. Ça défendait le prophète alayhi salatu wa sallam, ça confirmait qu'il était Rasulullah alayhi salatu wa sallam, qu'il n'invente rien, qu'il ne suit pas sa passion. Maintenant, à partir de la ayat numéro 19, c'est un groupe de ayat qui parle ici des mushrikin, des polythéistes. Rappelons le contexte dans Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec quel type de personnes lorsqu'il a commencé sa da'wah, il appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Les Arabes qui entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des polythéistes, des mouchriquins. Ce n'étaient pas des personnes qui nécessairement étaient comme ce qu'on appelle de nos jours des athées, des gens qui ne croient pas en l'existence de Dieu, par exemple, d'un créateur. Parce que la mécréance, ce n'est pas seulement le fait de ne pas croire que le Créateur existe. Et la croyance, ce n'est pas le fait de croire qu'un Créateur existe. Ce n'est pas ça la foi, ce n'est pas ça le iman. Le iman, c'est plus profond que cela. Le iman, la foi, c'est de croire en le Créateur, bien sûr, mais aussi de croire qu'il est le Créateur l'unique, qui n'a pas de partenaire, subhanahu wa ta'ala. De croire aussi que le Créateur, c'est lui le Seigneur, c'est lui Al-Mudabbir, c'est lui qui prend toujours et encore en charge cet univers, et c'est le seul maître de cet univers. Il n'y a personne d'autre qui gère cet univers à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ça, il y a le tawhid de l'ulouhiyya relié à nos actions maintenant. Ça veut dire de croire que ce Créateur qui est Allah azza wa jalla l'unique, c'est seulement lui qui a droit à l'adoration, à la ibada. On ne peut pas croire en Allah Azza wa Jalla en tant que créateur unique, mais adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, la foi en Allah Azza wa Jalla, la vraie foi valide, ça signifie de croire Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître par ses noms et ses attributs, et de croire qu'il n'y a aucun autre être, personne, qui est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms ou dans ses attributs. Donc le fait de croire ta'ala Allahu an dhalik, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un enfant, il a un partenaire, ça c'est contraire à la foi, c'est contraire au tawhid, au monothéisme. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et aussi de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, vu qu'il est le Seigneur, le Créateur, c'est aussi lui le maître de... C'est lui qui règne sur cet univers, qui a le droit absolu de régner sur cet univers. En d'autres termes, Allah azza wa jal, ta'ala Allahu an dhalik, ce n'est pas comme le roi de l'Angleterre. Le roi de l'Angleterre, il possède, en théorie, c'est lui qui possède le territoire. Il est le roi. Mais le roi d'Angleterre, ce n'est pas lui qui fait les lois. Il y a d'autres gens qui peuvent élire des représentants qui vont faire des lois. Allah Azza wa Jal, c'est lui le législateur dans cet univers. Donc tout ça, ça revient au tawhid, à la vraie foi valide, croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'on comprend c'est quoi la foi valide, on va voir maintenant ces mouchriquins qui entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit. Les mouchriquins, il n'y a pas un mouchriquin qui a dit que le Créateur n'existe pas dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains mouchriquins, à la limite, ils attribuaient certaines actions de cet univers à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disaient le Créateur, c'est Allah azza wa jalla. Mais parfois, ils disaient, comme on a dit l'autre fois, la pluie, ça vient des étoiles, par exemple. Mais le point principal ici de rébellion, d'égarement des mouchriquins qui entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam était relié à al-uluhiyya, à la ibada. Ils adoraient d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala en croyant que Allah c'est le créateur. Ils adoraient des pierres, des arbres, des personnes mortes dans leur tombe, ainsi de suite. Pourquoi vous adorez toutes ces créatures, est-ce qu'elles créent avec Allah subhanahu wa ta'ala? Ils disaient non. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Disait-nous, leur logique derrière, c'est pas, c'est bien sûr, c'est pas la logique au sens de la logique qui est fondée. C'est le shaitan qui les a aidés à inventer ce genre de justification. Il disait, nous, on est trop sales avec nos péchés. On ne peut pas parler directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, on a besoin d'intermédiaires pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont ces intermédiaires? On va chercher des gens pieux qui sont déjà décédés et on va essayer de trouver leur illustration dans des pierres, dans des arbres ou autre chose et à travers eux, on va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir plus tard, certains disaient, on peut se rapprocher d'Allah azza wa jal, notre intermédiaire, ça serait les anges, les malaïka, parce que les anges, on va dire, on va voir tout à l'heure ce qu'ils ont dit à propos des anges, des malaïka alayhim salam. Mais ils ont dit, les anges sont très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors de ce fait, nous, on va se rapprocher d'Allah azza wa jal à travers les anges. Donc ça, c'était l'essentiel de leur shirk, c'était le shirk dans al-uluhiyya, dans la divinité. Voilà, in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, c'est Allah qui dit dans le Coran que si tu vas les questionner qui vous a créé, ils vont te dire c'est Allah. Les mouchriquins ne reniaient pas ça, ce n'était pas des athées comme on appelle ça de nos jours. C'est clair, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui, akhi. C'est quoi le les pires des deux, c'est pas mal la même chose. Papa, c'est pas mal la même chose. Quelqu'un pourrait dire c'est les athées parce qu'ils ne croient pas en l'existence d'un créateur, mais en même temps, les athées n'ont pas de religion inventée comme les mouchidikines qu'ils défendent. Ils vont juste ne pas croire en un créateur. Donc de ce fait, un athée, si tu vas lui parler d'existence du créateur et que tu vas le mener à ça, après ça... C'est comme c'est qui le da'iya qui disait ça, j'ai oublié. Il disait que les athées sont les plus faciles pour leur faire la da'wa. Pourquoi? Parce que oui, c'est lui, Zakir Naik, je pense. C'est ça, parce qu'ils ont déjà la ilaha. Donc il leur manque juste de dire quoi? Illallah. Ils n'ont pas d'autre divinité, illallah. Bien sûr, ça c'est un peu. C'est pas au sens littéral de la chose. طيب. Donc ici la ayah numéro 19, Allah Azza wa Jalla il dit: "Afara'aytumu Lata wal-Uzza wa Manata ath-thalithata al-ukhra." Afara'aytum, ça commence par un questionnement ici. Avez-vous vu? C'est comme si je dis à quelqu'un, est-ce que tu as vu ce que tu as fait? Est-ce que tu as vu ta maison, elle a l'air de quoi exactement? Donc, on va ici demander une question, mais ici, avec la question vient quoi? Le inkar, un blâme, des reproches qui sont inclus dans la question en tant que telle. Allah Azza wa Jal est aussi parfois pour faire penser la personne. Ce que tu as vu, quel type de travail tu as fait? Donc là, c'est des reproches, mais en même temps, on veut que la personne, elle regarde et qu'elle commence à penser vraiment pour qu'elle arrive à la bonne conclusion. أَفَرَأَيْتُمْ أَلَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Donc les ayats 19 et 20, Allah Azza wa Jalla, il leur parle de trois de leurs divinités. Ils avaient trois, entre autres, trois grandes divinités. Ces mouchidikinda, des Arabes dans le temps du prophète, alayhi salatu salam, qu'ils vénéraient. Ça, c'était leur Dieu. Tu ne peux pas venir remettre en question. Si quelqu'un va manquer de respect à ces divinités, c'est gare à toi. Donc Allah Azza wa Jalla leur parle de ces divinités. Alors les ulama, ils disent Al-Lat wal-Uzza wa Manat asnamun min hijaratin kanu ya'budunaha. Que ça c'était des pierres, des idoles qui étaient en pierre qu'ils adoraient. Ça c'était trois grandes pierres comme ça. Qila ishtaqu Al-Lat min Allah. Donc la première pierre, elle s'appelait Al-Lat. Certains savants, ils ont dit que Al-Lat, son nom a été extrait de Allah, le nom d'Allah Azza wa Jal qui est Allah. Du nom Allah, ils ont extrait quoi? Al-Lat. Al-Uzza, le deuxième, ils l'ont extrait du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Aziz. Manat, troisième, ils l'ont extrait du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Mannan. Allah ta'ala, il est Al-Mannan. Eux, ils ont pris du nom d'Allah azza wa jalla Al-Mannan. Ils ont créé une divinité qui s'appelle Manat. Waqila Allat kana rajulan yaluttu as-sawiqa wa yut'imuhu al-hajj falamma mata akafu ala qabrihi ya'buduna. Donc il y a différentes théories sur pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces trois noms spécifiquement. D'où viennent ces trois noms? Donc une autre théorie ici sur le nom de Allat, ils disent que Allat ça revient à un homme qui était très qui donnait beaucoup de d'importance au rituel de l'Hajj. Et aux invités de l'Hajj, du pèlerinage. Vous savez que les Arabes, ils faisaient le Hajj à Mecca, même avant la venue du prophète Mohammed, même dans la Jahiliya. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui est resté de la religion de Ibrahim, alayhi salam. Parce qu'il y a de nos jours certains des ennemis de l'islam qui manquent d'intelligence, certains Arabes, des Mourtadines, des apostats et ainsi de suite, et qui disent que le Hajj, l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris des Arabes. C'est juste une culture arabe de Jahiliya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a pris et il l'a juste adopté et on continue à faire, nous, quelque chose qui fait partie de la culture arabe. C'est pas parce que quelque chose existait dans la culture arabe qu'elle était fausse. C'est quelque chose qui existait dans la culture arabe de Al-Jahiliya, mais que cette culture arabe de l'Jahiliya, vu la localité, Mecca bien sûr, c'est resté ça. C'est de la religion de Ibrahim alayhi as-salam. C'est pas compliqué à comprendre. Donc il y avait un homme, kana yaluttu as-sawiq. Sans aller dans les détails ici, dans la langue arabe, yaluttu ça veut dire il cuisinait, il préparait une recette comme ça spéciale aux hujjaj, les pèlerins. Ça c'était sa bonne action qu'il faisait dans la Jahiliya. Quand les pèlerins, ils venaient pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, leur préparer ce sawiq-là. Donc, du mot « yaluttu », le verbe ici « yaluttu », ils l'ont appelé « allat »« yaluttu ». Quand il est mort, ils ont fait de lui une divinité représentée dans une pierre. Donc, vous voyez comment est-ce que ici, c'est eux-mêmes qui concevaient une pierre pour représenter quelqu'un, pour représenter une étoile. Un astre, autre chose, comme l'un des sahaba qui dit que lorsque on était dans la Jahiliya, avant l'islam, avant que Allah Azza wa Jal il nous guide, quand je voyageais, il disait quand j'avais besoin de, quand j'avais un besoin spirituel, je prenais des dattes comme ça et je concevais un dieu, je faisais son propre dieu comme ça, idole. Je le mettais, je commençais à prier ce Dieu. Après ça, quand j'avais trop faim, je mangeais mon Dieu. Ça, c'est la Jahiliya. Ça veut dire tu peux concevoir ton propre Dieu, Iyad Billah, tu vas l'adorer. Et après ça, ton Dieu, si tu as besoin de le manger, tu peux le manger. Vous comprenez? Ça, c'est... Non, c'est pas Omar, c'est l'un des Sahaba, je me rappelle pas. Mais c'était pas Omar, radiyallahu anhu. Non. وقيل منات سميت بذلك لأن دماء النسائك تمنى عندها أي تراق et منات une autre théorie sur la pierre qui s'appelait منات que ça vient de des sangs de النسائك donc ici les sangs النسائك c'est les animaux qu'on amène pour le pèlerinage qu'on va sacrifier pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal lors du pèlerinage donc bien sûr eux ils rapprochaient des pierres excusez-moi, ils rapprochaient des animaux, ils sacrifiaient des animaux, mais pas directement à Allah Azza wa Jal, en passant par des intermédiaires, comme des pierres. Donc il y avait cette pierre-là, tellement il y avait du sang dessus à chaque fois qu'ils viennent, quelqu'un sacrifie un animal, turaq ad-dima, il y avait le sang qui coulait de par ces sacrifices-là, de ce fait, ils ont pris le mot Tumna, ça veut dire quelque chose qui coule. Et il l'a appelé Manat. Donc, différentes ici, différentes théories sur l'origine de l'appellation. Mais encore une fois, ça nous donne cette idée-là de gens qui vont vénérer quelque chose qu'eux-mêmes ont créé. Ils cherchent quelque chose de sacré. Shaitan leur dit de... Qui peut nous rappeler le shirk, comment le shirk est apparu dans l'histoire de l'humanité? Bien avant les Arabes. Pourrait nous rappeler c'était quoi? Oui, Akhi. C'était avec le peuple de Nouh. Nouh, alayhi salam. Non. Ils adoraient Donc, ils adoraient des statues d'âme. Donc c'est pas mal, c'est à peu près ça. Donc ça, on a vu dans l'histoire de Nuh alayhi salam, quand on a fait l'histoire de Nuh alayhi salam, que dans les narrations authentiques, ça nous explique comment est-ce que Ash-Shirk est apparu initialement dans l'humanité, bien avant les Arabes. Ça, c'était dans le peuple de Nuh alayhi salam, prophète Nuh alayhi salam. Avant ça, il n'y avait pas de shirk. Asharat Qurun, entre Adam et Nuh alayhi salam, Asharat Qurun. Il y avait 10 siècles ou 10 générations, toutes sur... le tawhid. Il n'y avait pas de shirk. Jusqu'à ce que le shaytan, il a inventé cette idée de shirk. Comment ça a commencé? Il y avait des personnes très pieuses qui étaient très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont décédées. Le shaytan a inspiré à certaines personnes de dire « Ah, ça serait une bonne idée maintenant que ces personnes-là ne sont plus avec nous. » Quand on les voyait, on se rappelait d'Allah azza wa jal, on se sentait... encouragé à faire l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Mais maintenant, ces gens pieux sont morts. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement les représenter sous forme de statues. On va mettre ces statues. Comme ça, on va les visualiser. À chaque fois qu'on les voit, on va se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Quand ces gens-là, ceux qui ont conçu les statues, sont mortes, ces personnes-là sont mortes, nouvelles générations sont venues, et disaient... pourquoi nos parents, ils donnaient tellement d'importance à ces statues? Ça veut dire que ça, c'est quelque chose de très spécial. Ça nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. On va leur dédier notre adoration. Fa'abadou. Donc les premiers, ils ont fait quoi? Qu'est-ce que les premiers ont fait? Fabriquer. Fabriquer, c'est quoi? Quand on dit fabriquer. Les premiers ont fait inventer. Ils ont fait une bid'a, innovation. Prochaine étape, prochaine génération, l'innovation s'est développée en shirk, en kufr. Vous voyez ici comment est-ce que la chose elle se développe. Ça peut commencer par un péché, après ça, ça devient innovation. Après ça, ça devient quoi? Kufr billahi subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il dit « Ara'aytumul lata, fara'aytumul lata wal uzza » وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Lorsque Allah Azza wa Jal, il mentionne Manat, troisième idole, Allah Azza wa Jal, il dit Manat الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Cette troisième autre, الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il dit الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى, la troisième, l'autre? Alors il dit ici صِفَتَانِ لِي التَّأْكِيدِ الْأُخْرَى مِنَ التَّأَخُرِ فِي الرُّتْبَةِ. Manat, elle est الْأُخْرَى, l'autre. Parce que dans leur classification, les Arabes, Manat, elle était la moins importante. Troisième en termes de valeur. لأنها أقل بالرتبة من اللات والعزة فقد كانت عندهم دونهما في المنزلة. فإنها تقوي هذا المعنى وتزيد في وضاعتها وإلا لقال الأخريات. يوصي الله عز وجل, c'est pour rabaisser de son statut, de cette Manat, الثالثة, الأخرى. C'est quand tu dis à quelqu'un, l'autre. Ah, il y a aussi l'autre. Ça veut dire il est moins important. Tu le rabaisses. Allah Azza wa Jal, il rabaisse de sa valeur. قال ويجوز أن تكون الأولية والتقديم عندهم للات والعزة فالتراخي المستفاد من لفظ الأخرى بحسب الزمان. Aussi la possibilité que certains ulama nous disent ici, c'est que la troisième, l'autre, c'est en termes de chronologie. C'est parce que Manat, c'était la dernière à apparaître, à être inventée. En termes de chronologie. Aussi, certains ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoutez, ça aussi, c'est intéressant. لَأَنَّ الْأُولَ كَانَتْ وَثَنًا عَلَى صُورَةِ آدَمِيِّ. اللَّاتِ, c'était statue, idole, qui était sous une forme humaine. Numéro 1. وَالْعُزَّ صُورَةَ نَبَاتٍ. Deuxième, idole, الْعُزَّ, était sous une forme végétale. Donc, c'était probablement un arbre ou autre chose. Sous une forme d'une plante ou d'un arbre ou autre chose. وَمَنَاتَ صُورَةَ صَخْرَةٍ. Et Manat, la troisième, c'était seulement une roche. Il n'y avait pas de représentation dessus. فَالْآدَمِيُّ أَشْرَفُ مِنَ النَّبَاتِ وَالنَّبَاتُ أَشْرَفُ مِنَ الْجَمَادِ. L'humain est plus noble que la végétation. Et la végétation est plus noble que le simple solide qui n'a pas de vie. فالجماد متأخر ومنات جماد فهي في أخريات المراتب. Donc maintenant, si on revient au sens général des ayats, quel est le contexte maintenant? C'est quoi le lien entre ces ayats-là et entre ce que Allah Azza wa Jalla il nous a mentionné avant? لَمَّا جَرَى فِي صِفَةِ الْوَحْيِ وَمُشَاهَدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا دَلَّ عَلَى شُؤُونٍ جَلِيلَةٍ مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَشَرَفِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَفِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Il nous dit, vu que au début cette sourate elle a commencé par la description de al-wahy, de la révélation, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu, et Jibril alayhi salam, la grandeur de Jibril, la noblesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le statut aussi de Jibril alayhi salam. Comment est-ce que Allah azza wa jalla décrit Jibril? Qui peut nous rappeler au début, avant ça, les ayats avant, comment est-ce que Jibril alayhi salam il a été décrit? Dhi quwwatin inda dhil arshi. Ou ça c'est dans l'autre sourate, mais dans sourate An-Najm ici, allamahu shadidu al-quwwa du mirratin fastawa. Allah Ta'ala nous parle de la force, de la puissance qu'il a accordée à Jibril, mais aussi quoi? Du mirratin, la beauté de Jibril alayhi as-salam, les merveilles de Jibril alayhi as-salam. Kama wasifa an-nabi sallallahu alayhi wasallam bil 'uruj fi al-manazil al-'ulya. Aussi le prophète sallallahu alayhi wasallam, il a été décrit par quoi? Par al-'uruj. Allah Ta'ala il l'a élevé vers les cieux les plus élevés, dans quelque chose de très très élevé. Kana dhalika mimma yuthiru muwazanata hadhihi al-ahwal ar-rafi'a bi hali a'zami alihatihim ath-thalath fi za'mihim. Donc là Allah Ta'ala il nous fait quoi? Le contraste entre toutes ces choses là très très élevées et entre leurs trois idoles qui sont sur cette terre et qui ne sont que des pierres. اللات والعزى ومنات التي هي أحجار مقرها الأرض لا تملك تصرفا ولا يعرج بها إلى رفعة. Qui ne sont que des pierres qui n'agissent rien, qui n'ont pas de force et qui ne montent pas vers le ciel. Alors est-ce que c'est logique que vous adorez ces pierres là? Quelque chose de complètement bien sûr illogique. Allah subhanahu wa ta'ala il dit après ça: ألكم الذكر وله الأنثى. ألكم الذكر وله الأنثى. Ça c'est la ayah numéro 21. Est-ce que à lui, encore une fois c'est une question, ألكم, est-ce que à vous appartient? Donc à, c'est pour l'istifham, c'est une question. لك, à toi, quelque chose t'appartient. ألكم, à vous appartient le mâle, et Allah subhanahu wa ta'ala à lui appartient la femelle. Donc Allah Ta'ala, il leur pose cette question. Pourquoi cette question exactement? Allah Azza wa Jal, il nous dit ici: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ. Donc ça c'est dans une autre sourate, sourate An-Nahl, l'abeille. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Donc dans sourate An-Nahl, bien sûr le Coran on le comprend entre autres en comparant différentes ayats. Il y a parfois des choses qui sont mentionnées de façon globale dans une sourate et de façon plus détaillée dans une autre sourate. Donc le ilm du Coran, tafsir et autre chose, c'est de pouvoir amener les ayats qui parlent de la même thématique pour avoir un message plus général. Allah Azza wa Jalla dans sourate An-Nahl ayat 57 et après, il dit que ils, ça veut dire les mouchriquins, ils accordent à Allah Ta'ala les filles. Walahum, et pour eux, ils prennent ce qu'ils préfèrent, ma yashtahoun, ce qui leur fait plaisir. Pourquoi Allah Azza wa Jalla il dit: "Idha bushira ahaduhum bil untha, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib." L'un de eux, quand on lui annonçait qu'il venait d'avoir une fille, va lui dire: ta femme vient de donner naissance à une fille. Dhalla wajhuhu muswaddan, son visage devenait noir de tristesse. Wa huwa kadhim, plein de tristesse et de colère, de frustration à l'intérieur. Yatawara min al-qawm, il commence à se cacher des gens. Min su'ima bushira bihi, de la mauvaise nouvelle selon lui qu'on vient de lui annoncer. Ayumsikuhu ala hunin, va-t-il garder cette fille ala hunin avec toute l'humiliation, am yadussuhu fi turab, ou bien est-ce qu'il va l'enterrer plutôt? Parce que comme on sait, les Arabes de l'Jahiliya, ils n'aimaient pas avoir des filles. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Oui. Donc, question d'honneur, entre autres. Donc, par exemple, lors des guerres, s'il y avait une guerre et que lui sera vaincu, sa fille pourrait être prise en prisonnière, en esclave. Ce sera humiliant pour lui, l'honneur. Et aussi parce qu'il veut avoir des garçons, des hommes qui puissent être là à sa défense et à son service et autre chose. Plusieurs justifications qu'eux, ils avaient dans leur tête. Mais bref, pour les Arabes, avoir une fille, c'était quelque chose d'humiliant. Donc, soit certains gardaient leur fille, mais à contre-cœur, ou d'autres, comme vous le savez très bien, ils préféraient tout simplement enterrer cette fille et l'enterrer vivante après sa naissance. Alors, Allah Azza wa Jalla, il leur dit, vous n'aimez pas avoir des filles, mais vous attribuez des filles à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout comme les chrétiens nasara, ils ont attribué Isa alayhi salam, ta'ala Allahu an dhalik, comme fils d'Allah azza wa jal, les mouchidikins, ils ont attribué les anges comme filles à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit que les malaïka, les anges, sont les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu an dhalik. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il dit dans sourate As-Safat 149, فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. نعم أخي. Je ne pense pas que c'était le cas pour Al-Lat ou Al-Uzza ou Manat. Je sais qu'ils avaient d'autres... J'ai déjà regardé par rapport à ça, parce que j'étais intéressé un peu par rapport au panthéon des anciens Abdel-Jalil-Jalilia, qui c'est toujours, quand tu regardes, c'est toujours justement, il y a une statue qu'ils ont trouvée en Syrie, oui, avec les trois ensemble, puis c'était des déesses. Oui, oui, pour d'autres mouchriquines, complètement, oui, ça existe. Mais si on parle des mouchriquines de l'Arabie spécifiquement, ceux qui entouraient ceux de Quraysh, Lat ou Al-Uzza ou Manat, c'était des représentations, comme on a dit, d'un tel homme pieux, tel autre homme pieux et autre chose. Oui, mais certainement, il y a eu des mouchriquines qui ont fait des représentations des anges, que les anges, c'est les filles d'Allah Azza wa Jalla, ta'ala Allahu an dhalik. Donc ça, c'est encore une fois, il y a plusieurs formes de shirk, dépendamment de toutes ces religions fausse. Donc, tout comme il y en a qui ont attribué à Allah Azza wa Jal un enfant, un fils, d'autres ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala des filles. Alors, Allah Azza wa Jal, il dit ici dans sourate Safat, فَاسْتَفْتِهِمْ demande-leur, أَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ, à ton Seigneur appartiennent les filles et à eux appartiennent les garçons. Et dans l'autre sourate aussi, dans sourate Az-Zukhruf, donc là, ici, il y a deux problèmes. Problème numéro un, trois problèmes plutôt. Problème numéro un, c'est qu'ils attribuent à Allah Azza wa Jal des enfants. Ça, c'est du shirk. Problème numéro deux, ils attribuent à Allah Azza wa Jal le moindre de ce que eux, ils aiment. Donc, ils n'ont pas attribué à Allah Azza wa Jal ce que eux préfèrent. Ils disent, ça, c'est Allah. Et nous, on va prendre ce qui est moindre, on va le garder. Problème numéro trois, c'est quoi dans cette aqida? Qui pourrait nous dire c'est quoi le troisième problème dans cette croyance? Qu'est-ce qui est problématique aussi avec cette croyance? Presque, oui. Ça rejoint le premier. Même s'il n'y avait pas de shirk ici, mais qui a dit que les anges étaient des filles ou des garçons? C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, il dit subhanahu wa ta'ala, Am khalaqna al-mala'ikata inathan wa hum shahidun. Ça c'est quelque chose qui est relié à l'invisible. Est-ce que vous avez vu les anges, les mala'ikas, vous les connaissez? De quel droit avez-vous jugé que c'était des filles? Qui vous donne le droit de décrire les mala'ikas sans qui exactement? Sans quoi exactement? Vous comprenez? Si même s'il n'avait pas attribué les mala'ikas comme enfants d'Allah Azza wa Jalla ta'ala Allahu an dhalik, s'ils avaient tout simplement dit que les mala'ikas sont des filles, d'où est-ce que vous avez amené ça? Ça c'est quelque chose de al-ghaib, de l'invisible. Personne ne peut. Les mala'ikas alayhi salam sont les mala'ikas, ne sont pas des êtres humains. De ce fait, ce ne sont ni des hommes, ni des femmes, ni des enfants, ni des fils, ni des filles. C'est un autre type de créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, Allah Azza wa Jalla, il dit « Tilka idhan qismatun dhiza ». Donc ça, c'est la ayah numéro 22. Allah Azza wa Jalla, il dit « Tilka qismatun ». Tilka idhan qismatun. Al-qisma, c'est le partage. Quand on fait le partage, regarde, tu prends ça et je prends ça. Mais le partage ici, il est injuste. Ce que vous préférez, vous le gardez à vous-même. Ce que vous n'aimez pas, vous allez l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un partage qui est injuste. Ay ja'iratun naqisatun awja. Ça, c'est un partage qui est tordu. يخبر الله تعالى عما عليه المشركون من جهل وسفه ويبين بطلان عبادتهم للأصنام تلك الأصنام التي تعبدونها من دون الله وتزعمون أنها بنات لله عز وجل أتختارون الذكران لأنفسكم وتنسبون لله تعالى الإناث التي تكرهونهن ولا ترضون بهن بنات لكم قسمتكم أيها المشركون قسمة جائرة ظالمه. Donc on voit ici encore une fois un manque de vénération, de ta'zim d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ya'zimu Allah azza wa jalla, parce que comme on a dit tout à l'heure, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, al-iman billahi azza wa jalla, il faut que ce soit un iman qui soit valide. Pour que le iman il soit valide, il y a des signes, des conditions. Parmi les conditions d'une croyance valide à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ta'zim d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vénération d'Allah azza wa jalla. Et de ce fait, si quelqu'un ne vénère pas Allah azza wa jalla ou vénère d'autres êtres comme Allah ou plus que Allah azza wa jalla, je vous donne ici un exemple pour conclure avec ce point. Il y a jusqu'à aujourd'hui certains des mouchriquins dans certains pays arabes, là où il y a beaucoup de jahl, d'ignorance et ainsi de suite dans certaines régions, qui croit en tel sidi ou tel homme pieux ou autre chose, n'est-ce pas, qui sont déjà dans leur tombe, comme ici on dit saint, telle chose, là-bas c'est sidi, ça c'est des gens qui sont, selon eux, des gens pieux, qui sont des alliés d'Allah Azza wa Jalla, ainsi de suite. Certains parmi eux, comme ils disent les ulama, si tu veux le tester, tu dis, moi je crois en Allah Azza wa Jalla, ana u'min billah. Mais c'est juste que lui, c'est quelqu'un de pieux. Il était très pieux. L'aimer, ça nous rapproche d'Allah Azza wa Jalla. Il dit, certains ulama, tu peux le tester. Il peut jurer par Allah Azza wa Jalla. يَحْلِفُ بِاللَّهِ كَاذِبًا. Il peut jurer par Allah Azza wa Jalla sur un mensonge. Ce téléphone, j'achète à combien? Est-ce qu'il a un défaut? Non. Tu es sûr? Wallahi, il n'y a aucun défaut avec le téléphone. Dis par Allah, wallahi, uqsim billah, il n'y a aucun défaut. Après ça, tu dis, ok, dis par mon wali, par sidi tel ou tel. Ah, la vie. Non. Il a peur de mentir en jurant par son sidi ou par son wali ou autre chose. Donc là, ça démontre quoi? Qu'il vénère une autre divinité plus que Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, son iman billah azza wa jalla, c'est un iman qui est faux, qui n'est pas valide. Il a beau dire que je crois en Allah et je prie à Allah azza wa jalla et ainsi de suite, mais si tu vénères notre. Donc ici, c'est la même chose. L'idée, tilka idan qismatun dhiza, vous donnez à Allah azza wa jalla ce qui est moins important à vos yeux, à votre égard. De ce fait, vous ne vénérez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.